Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter Quasimodo avec Quasimodo de Suren avec Dead Suren. Dead Suren avec ma boss est dans le coup. Et là, un remix de Sur moi qui a été fait par c'est qui, Rigo? Un auditeur. Un auditeur, donc. Arnaud, qui s'appelait Funky GG. Le titre du remix, c'est Funky GG. Donc, deuxième débat, ça va porter sur la préhistoire. Donc, pour ça, on va accueillir Diplodocus. Diplodocus. Non, Diplodocus. Ah, pardon. Alors, ta préférence, s'il te plaît. Oui, bonsoir, c'est Diplodocus, hein, attention. Donc, j'appelle de Toulouse, c'est 104.7. Tu peux baisser ta radio derrière, s'il te plaît. Il n'y a pas de radio derrière, c'est pas moi, Gérard. C'est un téléphone sans fil. Ouais, ça va être dur. Pot de bison. Ouais, c'est pot de bison ours. Non, c'est pot de bison, moi, chérie. Ok, bah ouais, salut, Gérard. Ta fréquence 97.3 à Poitiers. Oh là là, mais qui c'est qui a l'été? Oh là! Oh là là! Attends, je vais voir. Qui c'est qui a un vibro, là? Steven Spielberg. Steven Spielberg, oui. Kremlin Bicêtre 101.9. Oui, bonsoir. Je cherche un acteur pour jouer un film d'Idi. Je vais appeler Gérard. Bonsoir. Moi, je vais dire une chose, que si tu commences à jouer au con comme ça, ouais, tu vas dégager tout de suite. Retrouvez Idi, gamin. Attends, en plus, le Kremlin Bicêtre, c'est dans le 9.4, alors. Ouais, la fréquence, c'est 101.9. Oui. D'accord. C'est bien chouette. Une 9-4 qui t'emmerde. Ouais, wesh. Bravo. Wesh. Là, Apolline, tu te débrouilles, ouais. Tu me cherches. Qui c'est? Voilà. Là. Oh. Ah, merde. Non, là encore. Ouais. Oh là là là. Alors, tu lui dis au revoir pour lui, parce que moi, je peux pas faire un débat comme ça. Et... Néon... Quoi? Ok. Néon Cardal. D'Angoulême, où qu'on peut écouter Fun Radio sur 90.2. Non, c'est lui qui fait les sales bruits, donc... Ah bon, bah alors tu lui dis bonne nuit, et on reprend quelqu'un d'autre à la place, alors. C'est bête. C'est con, hein. C'est bête pour lui, hein. Ouais. Mais alors, il se passe sur le téléphone. Ça faisait longtemps. Alors, donc, la première question, Apolline. Oui, Gérard. Ah ben, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Filter. Quoi? T'arrêtes avec ça, parce que tout à l'heure, moi, je vais te balancer un briquet comme la semaine dernière. Mm-hmm. Non, ça va aller vite. Ouais. Apolline, oui, tu le changes, tu le reprends pas sous un autre nom avec ton téléphone de merde. Clair, tu prends quelqu'un d'autre, hein. Parce que comme Sandy ne veut pas participer au débat, c'est dommage pour elle. Ouais, c'est vraiment petit pour toi. Hein. Tu rates. Oh. Tu vas rater. Hein. Bon, tant pis, elle veut pas, parce qu'elle a... Ça peut parler de ça, quand même. Comment? De quoi? J'ai mal entendu. Ouais. T'as dit quoi, l'auditeur, là? Vas-y, parle, l'auditeur. Allô? Ouais, tu parles? Allô? Mais il est où, cet enculé? Allô? Allô? Ouais, allô? Bon, alors, la première question. GG, à la place de Néandertal, on accueille Caverne Blanchite. T'as quel âge? Ouais, salut Gérard. Salut Caverne Blanchite. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 21, j'appelle de Nantes. Fréquence? 103.4. Ok. Il y en a un, il va se calmer là. D'accord. Alors, la question, depuis quelle année existe la préhistoire? On va demander à Diplodocus. Non, c'est Diplodocus. Bon, tu réponds, c'est tout. Je pense que ça remonte, juste avant le Moyen-Âge. Alors, tu peux préciser depuis quelle année? Une estimation, alors au début du Moyen-Âge, je dirais entre moins 500 et plus 4 gigahertz. Non mais attends, Oh là là, je te demande de préciser! Je t'ai donné des données chiffrées. Non. Entre moins 500 et plus 4. Mm-hmm. Avant JCLD. Bon, pot de bison. Ouais, bah moi, écoute, moi, je pense que ça peut être vers les 1789 avant Jésus-Christ, Révolution, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, avant la prise de la Bastille. Steven Spielberg. Oui. Moi, je crois que ça a commencé le 12 avril, moins 3 857 356 années, qui était d'ailleurs bisextile, ce qui est assez amusant. Oui, mais attends. C'est... Celui qui a du monde derrière, ouais. Arrête, parce que ça commence à me gonfler. Il n'y a pas de monde. Non. Gérard, sur IRC, où on est quand même 6777. Ouais. Oh. C'est pas mal. Voilà, big up. Il y a Moulinex qui te demande, en fait, il dit que vu que l'homme descend du singe, il se demande pourquoi toi tu remontes. Ça, c'est pas une mauvaise question, par contre. Alors attends, vu que l'homme descend du singe, pourquoi que moi je remonte Ça veut dire que t'étais avant le singe. Et Gérard, t'es sûr que t'es pas un homme de la préhistoire, toi, connard? La question. Ça vient à dire que le singe descend de toi. Bon, attends, ouais, tu vas pas me couper constamment la parole 5 minutes. Non, mais tout le temps. Non, c'est pas ça, Pauline. C'est qu'en fait, le singe lui grimpe dessus et qu'il aime ça. Ah, c'est tout simple. J'avais pas ouais, non, mais attends, si c'est l'homme qui est sur le singe, à ce moment-là, l'homme descend du singe. Non, mais déjà, on descend du singe. Hein. Faut ouais. pas l'oublier. Mmh. Ouais, non, mais de toute manière. Caverne Blanchite. Bon, pour finir la question. Ouais, ben moi je crois que c'est moins 3 500 et moins 2 700. Tu t'écrases la poufiasse. Oh là là, la vulgarité dès le deuxième débat. Vulgarité au pays, c'est la préhistoire. Hein. Poli. Non, mais de toute manière, je sais d'où que ça vient. Donc, Fildar, tu vas arrêter cette merde. Ouais, parce que c'est tous les jeudis. C'est tous les jeudis que tu me balances des conneries comme ça. Ok, alors on demande entendeur, salut pour toi. Non, mais j'ai rien ça m'a pas plu. Hein. Ouais. Vas-y, défends-toi. Ça m'a pas fait plaisir. Vas-y, bon, oh non. Ça fait deux fois. Déjà, ça fait deux fois. Au tribunal. À trois, tu dégages et je mets Olivier. Non. Y a rien là. Alors, depuis quelle année existe la préhistoire? Donc, à mon avis, ça date de très très loin. Ça date du Sen. Mais avant. Une date précise, écrase. Mais ouais, c'est vrai, Pauline. Mais une date. Non, bon, ok, j'ai rien dit. Gérard. Eh putain! Eh! Toute la semaine tu nous fais chier, le jeudi tu vas pas me casser mes débats, ok? Calme, ouais. Calme. T'as filé lui un téméstar là, quelque chose. Gérard, pour calmer le débat, il y a Snooze sur l'IRC, elle te demande si le diplôme de prof d'histoire, ça marche aussi pour être prof de préhistoire. Ouais? Bah oui, parce que histoire et préhistoire. Donc automatiquement, la personne va essayer de chercher dans son dictionnaire ou voir des bouquins. Tu me les coupes, s'il te plaît, Fildar, merci, quand je réponds à la question. Allez, go. Donc la personne dans son dictionnaire va regarder le mot histoire. Regardez après avant, non? Après, il va essayer de reprendre pour savoir ce que veut dire le mot préhistoire. Ah, d'accord. Donc automatiquement, ce qui veut dire, c'est que dedans, tu vas retrouver l'histoire et la préhistoire. Donc tu vas retrouver les deux mots mélangés. Donc la préhistoire, c'est un truc qui devient avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc l'histoire, c'est avant la préhistoire. Morgane, si t'écoutes, si tu pouvais me ramener le dictionnaire qui est dans un bureau, s'il te plaît, merci. Cro-Magnon, mange-toi. Donc, d'où vient le mot préhistoire et que signifie-t-il? Donc, on va demander à Diplodokis. Qui dit la préhistoire et sa signification, je pense qu'il faut revenir à l'origine du mot, on va faire un petit peu d'étymologie. Voilà. Mm-hmm. T'es d'accord, Gégé? Non, mais derrière, s'il vous plaît, vous laissez parler les auditeurs parce qu'on vous laisse parler. Alors okay. Maintenant, vous laissez parler okay. les gens correctement. Non, mais c'est parce qu'on est un peu tous étymologistes, c'est pour ça. Non, mais moi, pour l'instant, moi, ça me dérange parce que c'est mes débats et donc c'est moi qui commande. Mais donc, si je te demande de répondre en premier, tu vas répondre à la question, on va voir ce que les autres auditeurs ont à dire là-dessus. Bon, ok, d'accord. Bah écoute, origine du mot pré, alors pré, je suppose que tu connais le mot précoce. Alors précise, parce que là je vois pas du tout. Précoce, précise, précision, circoncision. Prépuce, circoncision, c'est bien ça. On est bien dans la même étymologie. La puce est d'ailleurs l'ancêtre de l'homme. Hein. Et history, le fameux album de Michael Jackson, donc qu'il a vendu à des millions d'exemplaires, d'où le pré-histoire. Michael Jackson a des puces, c'est ça. Tout à fait. Oui. Voilà, GG, voilà, GG. Je veux dire, si on fait une petite synthèse du problème, je pense qu'on a discerné à peu près le quotient intellectuel de la parallèle, quoi. Ok. Pote, disons. Bisous. Pas de bison. Ouais, je t'écoute, ouais, excuse-moi. Préhistoire, du latin. Allô ? Ouais, on t'écoute. Ouais, ouais, du latin préhistorium, donc pré, comme le disait notre ami, ça peut aussi signifier, précipice. Donc, tout à fait, tout à fait. Se précipiter, en fait, dans un précipice. Histoire, poire, la ville, is, quoi. Oui. De toute façon, l'étymologie grecque nous a bien précisé que de toute façon, en latin, on peut très bien découvrir les hiéroglyphes d'Apollon. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Tu t'écrases, la poufiasse. Steve. Steve. Oui, alors Gérard, bon, moi je sers de l'étymologie étrusque. Non, mais tu vas apprécier parce que là, ça commence à me prendre la tête, là. C'est bien les étrusques. Alors la pré, qui se disait tragédie en étrusque, tragédie, et histoire, qui se donnait histoana. Histoana, qui se disait, oulala, il y a longtemps. Ok. Caverne. D'accord. Ah, ok. Caverne blanchite. Ah, je viens de comprendre. Ouais, c'est à peu près comme ce que mes copains viennent de dire. Seulement, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que c'était avant l'histoire. Oula. Non, mais alors attends, alors moi je vais vous dire une chose, Apolline, tu vas me changer tous ces cadres, tu vas me changer tout ça parce qu'ils répondent tous à la... Ils répondent tous à la même chose. Ils répondent, non mais ils répondent tous au premier, le premier auditeur, il dit, alors Pot-Bison, il dit, ouais je suis d'accord avec lui, l'autre il dit, je suis d'accord avec le premier, ouais alors, vous fermez vos gueules, c'est pas vous qui commandez, c'est moi. Ok, alors j'ai dit, on va changer d'auditeur, c'est tout. Non mais continue avec eux, c'est parce qu'elle était vachement dure la question, Gérard. Elle était vachement dure. C'est la troisième, si ça va pas, on va l'échanger. Bien sûr, on va l'échanger. Et tu vas l'échanger, tu vas leur dire comme ça, ben je vous change, mais je vous prends sous un autre nom. Alors pas avec moi. Tu fais ça, Gérard. Moi, tiens. Comment s'habiller les hommes préhistoriques? Tu demandes à qui, Gigi? Caverne. Caverne blanchite. Il s'habillait avec des potes. Non. Attends, stop. Oui. Une question plus intéressante avant que tu répondes. Vachement plus intéressante de Davy Wan. Je suis désolé, comment elle s'appelle? Caverne blanchite, je suis désolé. Il y a Davy Wan, il te demande si dans la petite maison, dans la préhistoire, Laura Ingalls, elle se faisait sodomiser par un iguanodon. Attends, je précise, c'est un raptor. Hein, c'est un... Attends, toi déjà, tu vas te calmer, le mec du 9-4. Je vais aller couper du bois. Et sinon, il y a Yankee Pierre à Feu, il te demande comment ils faisaient les routiers de la préhistoire sans route pour faire leur boulot, quoi. Non, mais ça, les premières routes, elles sont apparues pendant l'Empire romain. Des camions en pierre. Ouais, et puis ils déchargeaient n'importe où dans les champs, comme ça. Voilà. Mais de toute façon, on peut décharger n'importe où. Non. Un 106, c'est tout. Fulgar, tu arrêtes avec ça. Ou sinon, je te balance un casque dans ta gueule. Okay. Tu vas arrêter avec ta merde. J'ai pas de... Dans la place. Vas-y, Gérard. Putain, mais ça devient lourd, hein, là. Bon, ouais. Les tenues vestimentaires. Ça se voit que Manu est pas là pour qu'il passe la merde. Maintenant, c'est toi qui fous ta merde. Non, mais Manu, il est en train de faire la sienne aussi, non, ouais. Bon, moi, comment s'habiller les hommes préhistoriques? Bon, moi, je veux répondre, c'est peau de bison. Ouais. Je vais être clair et net sur cette question absolument formidable. Le nœud papillon, tu vois, par exemple, le mec, il voulait se faire, enfin, plutôt le singe, il voulait se faire un smoking. Bon, il va prendre un papillon dans les bois, direct. Il prend un papillon. Il se met dans le nœud? Ouais, bah tiens. Non, il prend les antennes, il se fait un nœud derrière, direct. C'est de la torture, c'est pas bien. Attends, après, il se prend un mammouth ou il prend sa femme. Étant donné qu'à l'époque ils étaient singes, hop, ou alors carrément... Pas de bison, au revoir. Bah écoute, au revoir. Gérard, t'as un petit sondage, non Gérard? Excuse-moi, Rigo. Non, Rigo. Non, juste avant le sondage, il y a ton pote Tony, il dit que le débat il est pourri parce que les gars du débat ils sont trop nazes. Ah bah ouais, bah ça... Mon pote. Ça, tu vois, on s'adresse là-bas. Parce qu'il faut l'appeler. On s'adresse à Pauline. C'est elle qui choisit des auditeurs nazes. Ouais, alors appelez Tony au lieu des nazes. Non. Et Arnette Tripotanus. Comment? Tu appelles Tony? Non, non, t'appelles pas Tony, tu me prends d'autres personnes, s'il te plaît, merci. Alors, le sondage à la question, que pensez-vous de la préhistoire? Donc, 45% des gens pensent qu'il y avait moins de pollution. C'est vrai? Oui, bon, c'est vrai qu'au début, on n'avait pas de pollution comme on a à l'heure actuelle. 22% des gogo danseurs allaient déjà au Banana Café. Donc ça, si c'est en boîte de nuit, je pense qu'ils n'ont jamais... ouais, bah alors ça... C'est quoi 10%... Bah lis. Non. Qu'est-ce qu'ils disent? 10% quoi? Non, 10%, moi je ne veux pas avoir dit de problème. Avec qui avec les plics, donc... On laisse Jean-Pierre Sauzet où qu'il est, hein, parce que celui qui a été me sortir ça, 10% des ministres étaient déjà en prison, donc ça, il est hors de question. D'accord. Okay. La fête des dinosaures. Ouais, la fête des dinosaures, le dinosaure, il t'emmerde, toi. La suite. Et 0,1% des mammouths n'étaient pas d'accord, donc voilà. C'est clair. Donc, la prochaine question, ça sera... Ah, tu fais quoi, là? On n'a pas répondu sur les avis. Bah ouais, attendez, Gérard, laisse répondre les gens, au moins. Mais oui. Quand même. Donc, alors, Diplo Dokis. Dokis, écoute, moi, je vais pas te faire l'historique de la tenue vêtue vestimentaire. Non. Mais voilà, mais je pense que tu as déjà entendu parler de la tenue d'Ève. Ouais. Et Dave, donc, Dave. Bah, oui, le petit collier autour du cou, Dave, génial. D'où Vanina, on y arrive. D'où Vanina, le petit bois derrière chez moi, tout ça, donc voilà. Oui, Gérard, t'as écouté. Hein. Gérard, tu peux répéter ce qu'il a dit? Ce que j'ai vu. Hein. Bah, mais déjà, toi, tu vas aller au standard. Olivier revient, il prend ta place. Ouais. Et Apolline, tu vas aller te réchauffer de l'autre côté. Ah, parce bah, que, t'es charmant. Bon, à la place de chez Swan, du côté de chez Swan. GG, à la place de Pot de Bison, on accueille Gérardo Sapien, 29 ans, de Cherbourg. Oh là là. Bonsoir Gérard. C'est quoi ce Gérardo? Fildar, tu balances. Moi je reprends pas un débat. Balance la zic. Bah, excite-moi, dis-moi des mots tendres. Balance la zic et. Non, ils veulent pas répondre. Ils veulent répondre à la question. Non. Tu balances pas la purée. Vas-y, GG. Attends, tu t'écrases, d'accord? Tu fais ton boulot correctement et tu la fermes. Ok. Ça, okay. On veut répondre à la question. Attends, t'as ton micro et tu la fermes. On veut répondre à la question. C'est à l'heure, tiens. Gérard, pour faire le débat. Oh là là, ça y est, il se barre encore. T'es cassé. Ah, il fait son show là. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Max pour me plaindre du débat qui ne tourne pas très rond. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Elle se croit où alors? Attends, la parole constamment. Elle se croit où? Elle veut faire mes débats? Je dis rien, Gérard. Non, mais vas-y, fais les débats. Vas-y, c'est tes débats. Mais je sais pas les faire, il y a que toi qui saches les faire. Personne fait les débats comme toi. Tu vois, Tiens, ça fait trois semaines que tu me fais le coup, et ben maintenant... Non, Gérard, reste... Viens la feuille. Viens la feuille, tu l'as fait. Elle va sortir un peu, et puis il y a Olivier qui arrive. Hein? Ah, voilà. Un mec qui sait faire attends, le standard. Quoi, là? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, elle arrête pas de me couper la parole. Je lui demande... Des auditeurs, elle donne des auditeurs bidons, hein? Elle donne des auditeurs bidons, Gérard, hein? Bon, Olivier est arrivé. Et là, c'est. Alors donc, alors qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi là? C'est lui, Olivier, qui fait le standard ou quoi? Ouais, bah Olivier, tu. Ah, c'est bon, je m'en occupe. Bah, je vais essayer d'attraper un peu. T'as la fiche là sous les yeux Tu reprends, tu me reprends d'autres personnes et on va s'écouter. La question, ce sera quel animaux vivaient durant cette période? Et on s'écoute les massues en folie avec Dessine-moi des mammouths dans ma grotte à Nutella. Et on se retrouve après avec d'autres nouveaux auditeurs. Et voilà, vous venez d'écouter les massues en folie avec des mammouths dans ma grotte, à Nutella, pardon. Donc, vous avez, à la place d'Apolline que je viens de virer, Olivier. Olivier, salut. Olivier de la Pro. Alors, ça va être les deux, mais c'est deux de choix. C'est-à-dire qu'il y a deux gynécos qui ont appelé et il y a un mec qui s'appelle. Ah non, mais attends, mais moi je vais pas faire. Oui, mais je les prends au fur et à mesure, tu m'as demandé de tout changer, donc je change tout, mais ça me demande un petit peu de temps. Ah ouais, mais ça arrive très vite. Ah ouais, non, mais. Si 10 minutes comptent sur moi, il y aura. Je me dépêche, il faut y aller. Donc, vous avez toujours. Et le deuxième ? Ouais, le deuxième, vas-y, n'hésite pas. Voilà. Et donc, Fuldar qui est à Réa. Je suis là, Bernard. Et... Ouais, et je salue mon voisin Dan qui est amoureux et qui s'excuse auprès de Catel pour la semaine dernière. Ah bah ok. Et tu peux me dire combien qu'on est malgré... On est 412 sur Minitel. C'est tout ? Non, mais ça, on était 1000 la semaine dernière. Bah ouais, mais là, mais j'en ai rien à foutre du Minitel, moi c'est l'IRC. Sur l'IRC, on est 8347. C'est bien. 8347, parce qu'il y a Max qui me demande comment que j'arrive à faire tout ce chiffre-là. Bah, c'est normal, c'est une bête humaine. Alors donc, la question, c'est quel animal vivait durant cette période. Donc, on va demander à Doc Gynico. Ouais, bonsoir tout le monde. Tiens, saluer mon pote Rigo qui me doit 3 barrettes. On réglera ça plus tard. Allô ? Vas-y, t'écoute, Gérard. Ouais, je t'écoute. Vas-y, tu peux poser la question. Non, je viens de la poser. Non, mais j'ai déjà été en antenne, excuse-moi. Oh, je viens de la poser un instant. Alors là, faut pas se foutre de la gueule de GG quand même. Alors donc, tu veux pas répondre ? Mais non, je vais bien répondre, mais j'ai pas entendu la question, si tu peux me la répéter. Ouais, non, mais ça fait 3 fois. Tranquille. Je vais faire la 4e fois que je répète la question. Quel animal vivait durant cette période ? Bah, je pense qu'il y avait des bisons, il y avait des mammouths, il y avait tous ces animaux. T'appelles d'où ? Sans indiscrétion. Paris, 18e. Donc 101.9. Ouais. Mais attends, avant que tu répondes, on va te dire... Denver solitaire. Quoi ? Denver solitaire. Non, vélo. Ah, Vélociraptor. Vélociraptor. Oui, bonsoir Gérard. Ta fréquence ? 101.9, je suis à Paris. Ok. Et. Denver solitaire ? Oui, bonsoir, c'est Denver solitaire, bonsoir. Ta fréquence ? Oui, j'appelle de Bordeaux. La personne à qui je l'ai raccroché au nez, je la rappelle. Hein. Ouais, c'est bon, vas-y, tu peux la rappeler. C'est dommage, là, je viens de raccrocher au nez. Alors, Doc Zinico, pour toi, la question. Ouais, donc je te disais, c'est tous ces animaux qui traînaient dans les grottes préhistoriques, on faisait des peintures. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Mm-hmm. Ouais, donc voilà. Ouais, ok. Vélociraptor. Moi je pense que pendant la préhistoire il y avait des vachanosaures, des cochonosaures. Attends, est-ce que tu as bien compris la question ? Oui, tu m'as demandé quels étaient les animaux de la préhistoire. Non, quel animaux vivaient durant cette histoire ? Cette période, pardon. Les ancêtres des vaches, les vachosaures, les poules, les poulosaures. Non. Oui, Gérard. Non. Si, parce que je l'ai étudié aujourd'hui en cours de préhistoire à l'école. S'il te plaît, c'est au programme. Moi, je vais te dire une chose, que les animaux qui vivent... tu vois, parce que là, pour l'instant, tu es en train de me dire des conneries. Ah, si, excuse-moi, je me suis trompé, c'était les mammouths qui écrasent les prix. Je crois que on va te dire au revoir, hein. Non, mais Gérard, je me suis trompé, ça arrive. Excuse-moi, je suis impressionné de te parler, quand même. Tu réponds correctement à la question, c'est tout. Tu t'amuses pas à essayer de chercher des noms que tu ne connais pas. Mmh. Hein? Parce que alors, les animaux qui vivaient. Quels animaux vivaient durant cette période? Donc, on avait. Fildar, s'il te plaît, quand je parle, tu t'écrases. Oui. Ça me prend des vacances. Cyrano d'Azur. Cyrano d'Azur, t'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Marseille. Ta fréquence, s'il te plaît? Le 108. C'est vrai, Rigaud? Marseille. 101.8. Ça peut te foutre. 101.8. Tu te calmes un peu? 101.8, oui, Marseille. J'ai regardé tout à l'heure. Ouais, non, mais de toute manière. Dans le 103. Fildar! Fais ta gueule. Fildar, tu arrêtes avec ça. On fait le débat ou tu pars? Non, non, mais moi, pour l'instant, je te demande d'une chose, c'est d'arrêter avec tes saloperies. Derrière, vous fermez vos gueules. Accélère. Alors, et donc, pour toi, Cyrano d'Azur? Les animaux qui vivaient, je pense qu'il y avait des dinosaures. Ouais. Je pense qu'il y avait des insectes. Et numéro 2? Par terre. Je pense aussi des gens, qu'il y avait gens de l'IRC, ouais. Des biches et des antilopes. Pour passer à l'antenne, ouais. Pour un, ouais, pour un mais là, je vois que ça n'intéresse personne, ce que je dis. Donc, je t'écoute. Donc, tu disais des dinosaures. Mm-hmm. Justement, à ce sujet, excusez-moi, sur Minitel, il y a Zobdi... Zobdiguan qui demande si on peut apprivoiser un bibinosaure de 60 kilos dans une ville. Lui, je lui répondrai pas, d'accord. Parce qu'il fout la paix à Sandy. Parce que si c'est pour me dire ça, tu vois, le Minitel, tout à l'heure, je vais l'arrêter. On est à 2000 connectés, là. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Alors, vous laissez Sandy tranquille. Oh, tu kiffes les grosses. J'en connais tout à l'heure qui vont dégager. Spiff en buzz, Donc, Cyrano, pour finir. Je te disais les dinosaures, quelques antilopes, et il y avait des insectes. Non, mais je crois que les antilopes, c'est quand même vieux, hein. Bah oui, c'est vieux, une antilope. Ça non, mais il y avait des dinosaures. Ouais. Il y avait des... Tyrannosaures. Non, il y avait des... Tyrannosaures. Et bulldozers. Bon, Fildar, comme tu te fous de ma gueule, je répondrai pas à la question, comme ça, ça ira plus vite. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé... Non, mais il y avait quoi? Non, mais moi, attends, moi, ça m'intéressait, j'ai rien arrivé, j'ai goûté, il y avait quoi? Parce que moi, j'y connais rien. Non, t'avais plusieurs merdes. T'avais le fameux dinosaure, là, de Jurassic Park. Le cousinosaure. Le quoi? Le quoi, Gérard? Le cousinosaure. Il y avait pas le Gérard de Mesor? Non, c'est bon, Olivier, fout-le de ma gueule aussi. Quelle nourriture mangeaient les hommes préhistoriques en hiver? On va demander à Cyrano d'Azur. Eh bien, ils allaient chasser les animaux dans les cavernes qui dormaient. Mmh. Sinon, ils se nourrissaient de plantes et ils mangeaient aussi des guêpes. Ouais, non, mais il faut dire une chose, que durant l'hiver, c'est pas évident pour eux de trouver de la nourriture. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça qu'ils mangeaient des guêpes. Non, moi je pense. Ils avaient des conserves pour l'hiver. Non. Ils allaient au resto du cœur aux heures. Qui c'est qui vient de dire ça? Ce n'est pas moi, hein. C'est pas moi non plus. Pas moi non plus. Ouais, c'est pas moi. Non, mais celui qui s'amuse à dire resto du cœur, arrête, parce que ça, c'est un truc qui me dégoûte. C'est ta bouse. Hein? Donc, pour répondre à ta question, Cyrano. D'Azur. Hein? Donc, toi, tu me disais qu'il mangeait un peu de tout. Ah, bah oui, un peu de tout, hein, tout ce qu'ils trouvaient, en fait. Ouais, ils étaient quand même réputés pour leur saucisson d'âne et leur fromage de chèvre. Il faut le savoir. C'est Denver solitaire. D'Anvers solitaire. Oui, bah, tout à fait, je te dis. Ta fréquence J'appelle de Bordeaux, 97.8. Ok. Mm-hmm. Donc, si tu pouvais répondre correctement. Disais, le fromage de chèvre était vachement connu. Ils étaient réputés, je sais pas, pour le saucisson d'âne. Et il paraît qu'ils faisaient aussi une espèce de vinasse à base de racines qui réchauffait bien pour l'hiver et qu'il y avait déjà à l'époque des problèmes d'alcool, quoi, tu vois. Mm-hmm. Non, je pense pas, parce que à cette époque-là... Surtout, où il fait froid, ils avaient besoin d'alcool pour se réchauffer. Je veux dire, c'est eux qui ont inventé le vin chaud, le grog, je veux dire, non. Ça vient de là. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Tout à fait. Non, je pense pas. Si. Non, je pense pas. Si, tout à fait. Un petit sondage à la question les hommes de la préhistoire sont-ils propres? Alors 35% du public aime. C'est qui m'a choisi ça encore? Ah bah là c'est moi encore. Ouais, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? J'ai pas suivi. Non, parce que là, 35% des 35% pour les hommes de la préhistoire sont-ils propres? Donc 35% du public aime. Alors aime quoi? Bah être propre. Non mais moi faudrait peut-être que les gens quand ils font un sondage comme ça nous le disent. Ouais. Okay. 6%, moi, je demanderai la prochaine fois. 6% des gens boivent du jus d'orange, je vois pas. Je vois pas du tout le rapport. Si, si, si. 20% des hommes ne sont pas des femmes. Bah ça, de toute manière, les hommes de la préhistoire, on descend d'où la préhistoire, en fin de compte. Bah, des femmes aussi. Hein. C'est un truc sur les singes. Mmh. Donc on descend du singe. Hein. Faut bien le signaler. Oui. 20% des hommes ne sont pas des femmes. Bah ça c'est vrai, mais, vu que le singe, on descend des singes. Bon, peut-être que par la suite, il y a des femmes. Hein. Ouais. Par contre, là, il y a un gros pourcentage, 42% des... Ouais. C'est gros, ça. 42 des singes sont enceintes. Alors là... Non, mais si, parce que c'est, j'ai appelé Zod Vincennes. Non, mais attends, c'est pas toi qui a cherché le sondage. Pour l'instant, tu t'occupes du standard, Olivier, s'il te plaît, merci. Merci. Je vais demander à Rigo. Donc, répète, le sondage, 42% des singes sont enceintes. 42% des singes sont enceintes. C'est possible, hein. Ouais, c'est possible, pense, hein. De toute façon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, comme dirait. Je te dis, j'ai recopié un site officiel, donc... De toute façon, pour descendre du singe, il faut bien que le singe soit enceinte, Gérard. Autrement, on serait pas là. On descend déjà du singe, nous. Ouais, c'est une relation de cause à effet. Il y en a chez certains, ça se voit beaucoup en plus. Oui, mais bon. C'est vrai. C'est un bon. Toi, fais gaffe parce que il va t'arriver des problèmes. Michael, hein. Il va t'arriver des petits problèmes. Des petits donc, la sixième. J'ai pas répondu, Gérard. Vélociraptor. Vélociraptor, pour toi. L'hiver, les hommes préhistoriques mangeaient des steaks de bison qu'ils mettaient dans des galettes de blé dur, entre deux galettes de blé dur, et ils mangeaient ça dans des sortes de restaurants de l'époque, hein, qui étaient russes, qui s'appelaient des McDozers. Voilà. Ouais. Non, mais je pense que à cette époque-là, les McDonald's et tout ça n'existaient pas. Les McDozers. Les McDozers. Non, mais ça n'existait pas encore. Et c'est là où il y a eu les cornflakes, d'ailleurs. Ça a commencé. Bon, Non, Bernard, franchement, des fois, je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont nazes. Doc Gynéco, pour terminer la question. Ouais, bah c'est bien simple, ils prenaient de la chasse de type Triceratops, et puis ils la faisaient fondre, et puis ils faisaient des super hamburgers au McDozer, comme il l'a dit. Oui. Ouais, bah, je vois pas du tout ta réponse, hein. Toi, moi, j'ai répondu, hein. Non, c'est quoi, alors? De manière, quelle nourriture mangeaient les hommes préhistoriques en hiver? C'est la question, aussi. Donc, je vais répondre. En fin de compte, ce qu'ils mangeaient, c'est uniquement parce que, en ce temps, depuis quelle date que ça existe la préhistoire, je ne sais pas. Si. Depuis quelle année existe la préhistoire, donc, j'ai pas eu le temps de bien voir. Je pourrais. Donc, j'essaierai de vous informer là-dessus, mais je pense quand la semaine prochaine. D'accord. Avant dimanche, si vous voulez. Ouais, dimanche. Par contre, je peux vous dire une chose, que les gens, ce qu'ils mangeaient, c'était plus des racines et tout ça, parce que, en fin de compte, ils avaient presque rien à se mettre sous la dent au début pour manger. Dès que ça avait commencé, ça a commencé en 1900 et des brouettes. Oui. Donc, ils mangeaient que des racines d'arbres. Hein. Rigo. Oui, il y a plusieurs choses sur l'IRC. Déjà, il y a Turpentine, elle aime bien quand tu lui gueules dessus parce que ça l'excite. Donc, elle te demande si t'aimes quand Sandy se fait pisser dessus par un homme préhistorique. Alors, Turpentine, tu vas te faire enculer gros. Non, Gérard. Gros, et je veux plus t'entendre. Gérard, sur le Minitel. Oh. Excuse-moi, avant que tu donnes 2-3 ans. Non, mais c'est pour c'est pour faire un petit coucou à ta mère ou à ton frère, à ta sœur. Non, c'est ils pas sont, la peine. Ils sont, attends, c'est bonne. Ils sont en Turquie, d'ailleurs, je les salue. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est Babe sur Minitel qui dit que Godzilla aurait été conçu dans le même moule que toi. Non, Godzilla, Non. Parce que Godzilla, faut se dire une chose, que moi j'ai été le voir grâce à Max et par l'inter de Mévière de Max Inter de Milan. Axel Duroux et Sam Zell, on a été le voir en avant-première. Et faut se dire une chose, que voir un truc comme ça, tu m'étonneras ça, s'il te plaît. Ouais, ce serait mieux. Et donc, Gérard Turpentine étant merci et mouille comme une folle. Et sinon, il y a Arnaud Tétoni, il se demande comment ça se fait que tes cousins, les singes, ont évolué et que toi, tu te retrouves aujourd'hui avec un torse de Ouistiti et un QI de macaque. Moi, je les emmerde. C'est un QI de macaque aussi. Donc, la sixième question, avait-il une vie amoureuse pendant une longue période? On va demander ça à Doc Gineco. Ben attends, moi, au standard, t'as le bonjour de Christine. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre, je l'emmerde. Ouais. Doc Gineco, demandeur, tu baisses un peu, là. Parce qu'en face, ils mettent de la musique. Qu'est-ce que t'as dit dans ma préhistoire? À toi. C'est le bonsoir de Christine, ça, je crois. Gérard, alors. Bon, alors, la question... Moi, je suis de la caverne. Bon, bah d'accord, on a compris. Oh là là. Bon, ça commence à bien faire, là, Pilda. Mais j'en vois rien, il n'y a rien, Gérard. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, là. De toute manière, on va se remettre un disque et on va... Quoi? Attends, on vient d'arriver. Attends, je viens d'arriver, je ne vais pas mettre un disque, là. Tiens, j'ai une question. Attends, on va commencer, là. Ouais, t'as raison, Olivier. J'ai une question très... Excuse-moi, auditeur, deux secondes. Okay. J'ai Skunkman sur le Minitel qui demande comment il pose leur question, Gérard. Il faut combien d'heures d'avion, voilà, pour aller en préhistoire? Mais attends, les avions, ça existait pas avant. Ça dépend si c'est un charter ou pas. Quoi. Mais non, ça existait pas. C'est pas con, il faut combien d'heures d'avion pour aller en préhistoire, ça existait pas. Mais non, au départ, au début du siècle, il n'y avait pas d'avion, faut quand même pas déconner. Mais c'est des sciences. Non mais oui, il a dit en 1900, c'est en 1900 combien, Gérard, en fait? Je sais pas, avant la première guerre. Oh putain, mais tu sais qui s'amuse à dire un bonbon, là? Arrête-toi un peu! C'est pas moi. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que je vais travailler avec de la musique comme ça, là? Oh ouais, à côté, oh! Morgane! Oh! Oh bah non! Oh non! Oh là! C'est pas Morgane qui fait ça? Bah si, c'est peut-être lui qui envoie les sons, là. Non, c'est peut-être Morgane qui envoie les sons. Putain, que des diffons, il nous saoule. Bon, c'est bizarre, Gérard, parce que sur IRC, excuse-moi, Doc, il y a Dan Amoureux, en fait, il dit que la préhistoire, ça a jamais existé, c'est une conspiration du gouvernement et de l'homme à la cigarette, qu'est-ce qu'on pense? Non! Et il y avait pas d'homme à l'époque, on peut pas savoir si c'est vrai. Et il y a Babe sur Militel qui dit que toi, t'as Jurassic Park tous les jours. Et moi, je voudrais savoir si on peut mettre tout ce que... Jurassic Park. Non, Jurassic Park, non. Donc, on pose une question et... T'as répondu, toi Bah ouais, mais non. Avais-tu une vie... Olivier, s'il te plaît. Arrête. Avait-il une vie amoureuse pendant une longue période? Donc on va demander à Doc Gineco. Ouais, je pense que les vies amoureuses, ça pouvait se faire à la préhistoire, ça c'est clair. Ils pouvaient se sodomiser à coups de silex. Ouais. Oh, ça déchire, ça. Tu peux préciser, là? Bah oui, ils se foutaient dans le cul. Hein. Bon, alors Doc Gineco, au revoir. Ah mais il a raison, hein, sur IRC, il précisait sans bander d'eau, justement. Non, mais c'est bon, tu peux ouais, le dire. Ouais, mais ça, c'est une affaire de famille, tu peux pas comprendre. Ouais, ben, Doc Gineco, au revoir. Hop. C'est terminé. Vélo Siraptor. Bah oui, il y avait une... C'est toi Ça va, t'es content? T'as fini de commander l'antenne? Oh Olivier, t'éteins ton micro quand tu dis au revoir aux gens. Attends, il le calme. Non, mais il calme pas, il lui dit au revoir et c'est tout. Au moins, il fait son job. Ouais, mais on reprend quelqu'un d'autre à la place. Ouais, c'est bien. Il y a pas plein de temps. Oui, Gérard, c'est Vélociraptor, je peux répondre? Ouais, ben, on t'écoute. Alors, oui, il faisait l'amour pendant longtemps, surtout l'hiver, pour se réchauffer. C'était le meilleur moyen pour les femmes, notamment d'avoir un truc chaud le matin dans le ventre, qui est bien avant de partir à la cueillette. Donc l'hiver, longtemps, oui, souvent. Mmh. Dans Vers solitaire. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas partir à la cueillette le ventre vide. Donc moi je pense que t'as vu La Guerre du Feu. Tu te souviens de ce film, le GG? Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film-là. Mais si, avec les hommes préhistoriques là, qui font l'amour au bord de la rivière quand l'hôtel est en plein. Non, non, je n'ai pas vu ce film. Ah, ben je te le conseille, écoute, si un jour t'as l'occasion, tu regardes La Guerre du Feu, je suis sûr que ça te rappellera des trucs. La Guerre du Fion qui est bien aussi. Du soir, ouais, ça c'est la suite. Deuxième épisode. Mmh. Ouais, je te les conseille, si tu peux aller les taxer dans ton vidéoclub, n'hésite pas. Et Sirop d'Azur. Oui. Moi, je pense que je sais plus. Tu penses que t'as envie de faire La Guerre du Feu avec moi? Voilà, je pense que j'ai envie de faire. Sirop d'Azur. Ah, voilà, c'est clair. Sirop d'Azur. Tu réponds à la question correctement ou pas du tout? L'amour, bébé, l'amour. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'ils n'étaient pas monogames, qu'ils avaient plusieurs femelles, parce qu'on pouvait pas appeler ça des femmes. Et que il y allait dans tous les coins, quoi, jusqu'à temps que la femelle soit enceinte. Ouais, et le problème... vous laissez parler la personne, et c'est tout, on vous a laissé parler. Alors maintenant, vous laissez passer... Tu veux que je les coupe? Vous la laissez s'exprimer. Mais ça devait être sympathique, comme ça, de faire l'amour comme ça avec n'importe qui. Tu rencontres un mâle, puis tu fais l'amour avec. Ouais. Bon, enfin, c'est pas sûr. Oh, si, je crois que c'était sympathique. Et quand deux mâles se rencontrent, c'est possible? Ouais, mais à ce moment-là, il faut beaucoup de bouteilles d'eau. Ouais, ah, ok. Les pédosaures. Alors, de caverne. Bon, merci de me laisser répondre. Alors, donc, avait-il une vie amoureuse pendant une longue période? Moi, je peux vous dire que non, parce qu'ils n'ont pas... Parce que tu y étais? Ils n'ont pas dû connaître ça. Quoi? Donc, la septième question, c'est de quelle arme, quelle arme ou moyen de dépense dispose-t-il? Et on va s'écouter les mêmes... Attends, répète, Gérard, parce que c'est peut-être pas compréhensible pour moi. J'ai rien compris du tout. Là. De quelle arme ou moyen de dépense disposait-il? D'accord. Et on s'écoute les mamelles du 92 avec Vasité Corneau, c'est mieux qu'avec Gérard Duspar. Oh là là là là, refais ça. Refais le micro. Oh bah attends, pour voir comment tu m'écris ça lui. Ouais mais Gérard, quand tu lis, regarde, je te montre, tu fais ça. Tu te mets là. J'écris en capital. Mais là, tu parles bien comme ça et tu regardes. Ah vas-y, annonce-le. Non mais non, c'est toi qui... C'est tes débats mon pote. Alors, c'est les mamelles du 92 avec Vasité Carnot. C'est mieux qu'avec Jurassic Park. Et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000 pour la fin du débat. Les débats, pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Ouais, excusez-moi, j'étais avec Fougard. Donc, bonsoir à tous. Rebonsoir. Donc, vous êtes bien sur Fun Radio. Donc, Olivier est toujours à l'arrière. C'est si con, ouais, c'est con. Olivier qui vous attend à l'arrière. Et donc, au standard, pardon, Manu à l'arrière. Et... Oh, merde, Fougard, et Rigo sur l'internet www.fr. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé, Gérard, en fait, dans le studio? Et donc, on va s'écouter les mamelles du 92. Les mamelles du 92 avec Vasité Carnot, c'est mieux qu'avec Jurassic Park. Non, en fait, c'est Vasité Carnot, c'est mieux parce que c'est mieux que Jurassic Park. Voilà, voilà. En fait, c'était ça le titre. Voilà, donc quand Gérard est arrivé dans le studio, il y avait sa chaise qui n'était pas vraiment... Pas tellement bien montée. Au même niveau, donc il s'est planté lamentablement, quoi. Donc, Rigo, il y a peut-être des petites questions. Ah oui. Oui, donc, il y a Dan Amoureux, il dit qu'on n'est plus le 1er avril, donc arrêtez de dire que Gérard vient de raconter un truc marrant. C'est vrai, merde. Non, mais ça c'est... Sinon, il y a Laurent, il te demande si c'est l'OTAN qui est responsable de la disparition des dinosaures. Non, ça, je répondrai pas. Ok. Là, je réponds pas du tout. Là, tu vois, je vais dire une chose, Rigo. C'est même pas la peine qu'il fasse allusion à ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est vrai. Je répondrai pas. C'est vrai. Okay. Et sinon, il y a... Tu dis bonjour Gérard et tout, tu dis bonsoir et t'es super cool avec lui, ok? Il est à la pêche. C'est cool, t'es à la pêche. Hein. Non, à la pêche. Hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Voilà, merci. Sinon, il y a un Styrex, il dit qu'au moins à la préhistoire, il n'y avait pas de pont de l'Alma et pas de Mercedes, donc... Là, je ne réponds même pas du tout à sa question. Non, mais c'est vrai. Non, mais je ne réponds pas du tout. Ça vaut mieux. Donc, pour ça, donc pour les deux dernières questions, parce qu'on va, s'arrêter. Oui. Après. Donc... C'est faux. Bon, toi. Ah, bah, t'as pété ta montre. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon, Gérard, on y va ou pas, là? C'est pas grave. Donc, on accueille Dipo... Tripodosor. T'appelles d'où, s'il te plaît? Oui, bonsoir, Gérard. T'appelles d'où? Merde. Voilà. Allô? Ouais, salut, Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9. Exactement. Alors, donc, la question, c'est de quelle arme ou moyen de défense disposait-il dans ce temps-là, hein? Il y avait longtemps. Ouais. C'est combien de temps, à peu près? Donc, Tripodosor. Ouais, bah, dans ce temps-là, il devait utiliser des pierres pour se défendre. Comme arme. Non, je suis pas sûr. Non mais précise. Ton nom et ta fréquence. Non, mais ça y est. Il devait utiliser des pierres qu'il pouvait tailler avec des tournevis, tu vois, plein de trucs comme ça, quoi. En fait, il prenait des... Oui. Voilà, et en plus, t'es avec un portable et tu dormais. Mais non, je suis pas avec un portable, Gérard, ça va pas ou quoi? Je te permettrai pas quand même. Cyrano d'Azur. Oui, Gérard. À l'époque, les hommes possédaient une glande anale qui leur permettait d'envoyer des odeurs nauséabondes aux ennemis qui les poursuivaient, ce qui fait que c'était leur meilleur moyen de défense avec le cri. Oui, mais de quelle arme ou moyen de défense disposait-il pour éviter de... Bah, je t'ai répondu, Gérard. C'est l'odeur qu'ils dégageaient de leur glande anale. Ouais. D'accord. D'envers solitaire. Bon, ben... Ouais, ben... Écoute, je suis désolé, là. D'envers solitaire. Ils avaient des armes. Moi, je dis ils avaient des armes. Je sais pas si t'as entendu parler du fameux coup de poing américain des cavernes, par exemple. Je sais aussi que c'est du côté de Néandertal qu'on a inventé le Nunchaku. Non. Vélociraptor. Oui, alors moi je me suis renseigné, j'ai lu un bouquin d'un professeur qui s'appelle Rocco Siffredi et il dit qu'il donnait des coups de gourdin. C'est faux. Ouais, non, ça c'est dans un épisode des pierres à foutre. Non, je pense pas. Pour l'instant, à mon avis, quel moyen qu'ils avaient pour se défendre de quelle arme ou moyen de défense ils disposaient. Donc, à mon avis, il ne peut pas avoir grand-chose pour se défendre à la période de la préhistoire. Celui qui me coupe la parole sans arrêt, arrête. Gérard ? Oui, vu qu'on a dépassé les 9547, mmh, on est 5748. 9748, excuse-moi. Mm-hmm. 9748, donc je vais en profiter pour saluer quelques personnes. On va saluer Eason, on va saluer Yankee, NSA, Turpentines, Tchèque, qui dort malheureusement, Arnett Tony, on va saluer Miss Lover qui est ouais, Sefi, Petzel, Kay, Conky qui est ouais, Dan qui est amoureux, Devinosaur, Jimmy, Judge, Laurent, Lupo, Moko, Moulinex, Ness, Night 4, Poisson, Poiskai, Radzinski, Tombal, Redox, Blef, Bonux, Cartman, Chocolamou, Clément, Dekifas, Gass, Kervinosaur, Marie, Tony, Travis, Yoshimitsu, Jo Lelo. On va pas tous les... Moi, je voudrais passer un petit bonjour, en fait, à tous mes copains, à ma mère, mon père. Ouais, bah, attends, tu te fais. À Marco. Alors donc... Et à Styrex. Donc pour finir, pour terminer, la, pour terminer, parce qu'il est 2h56, donc on déjà va... Mais on n'a pas fini la question, t'as même pas fini la question pas là. Pas fini, Vélociraptor n'a pas terminé. Bon alors vas-y, dépêche-toi, parce que si c'est ouais, pour c'est dire ça. Des conneries, c'est pas la peine. Ouais, c'est vrai ça. Non, ils défendaient avec des frondes, des bouts de ficelle, et quand il n'y avait plus de pierre, ils mettaient leur femme au bout. Et généralement, il valait mieux prendre une grosse femme pour abattre des grosses dinosaures. Ah, on parle de Fandi. Non, je ne me permettrai pas. Ça serait Fandi. Ils lançaient leur femme, quoi. Ils lançaient leur femme contre les dinosaures, puis elles étaient grosses, puis elles étaient puissantes, évidemment. Attends, oh. ça vous la coupe, ça, hein? Oui. Bon, Vélociraptor. Il y a notre caverne, là. Bon, allez, hop. Dernière question. Existait-il des grands poètes à l'époque de Néandertal? Ouais, bah oui, bien sûr, il existe. Bon, gros Magnoret, tu fermes ta gueule, toi, s'il te plaît. Attendez, quoi? 2 minutes, s'il te plaît. Bon, alors là... Je sens que tout à l'heure, vous allez tous virer. Mon cul, Michel. Répète la question, Gérard, rapidement, s'il te plaît. Répète. Il y en a un qui va se calmer. Déjà, tu vas me virer Cyrano d'Azur. La fille. Ouais, tu vas la virer parce que j'aime pas qu'elle dise Sandy. Mais donc tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir. Et toi, tu arrêtes. J'ai pas dit la grosse. Et que la force soit avec toi. Il y a Gérard qui se lève. Vas-y, lève-toi, vas-y, danse, monte sur la table, vas-y. On va se rasseoir. Ok. Mets-nous un 10 de survie, vas-y. Continue, répète la question parce qu'on n'a rien compris à la question, Gérard. Existait-il? Moi, je vais les calmer. Répète la question, on n'a rien compris. Faut se dépêcher, hein, Maxime. Existait-il des grands poètes à l'époque de Néandertal au Gros Magnon? Tac. On va demander à Vélociraptor pour finir. Oui, à l'époque, il y avait malheureusement déjà Francis Lalanne. Oh là là. Francis Lalanne, c'était pas un poème. Un poète et... Toi, t'arrêtes, Francis Lalanne, c'est un poète. Et moi, l'amour. On a déjà cassé un, ça suffit. Et s'il avorte programme sur son grand ordinateur, c'est pas un poème. C'est pas un poète, ça. Mais c'est quoi, c'est pas un poète? C'est une merde. Ouais, c'est une merde. Ouais. Allez, au revoir pour toi, terminé. Ouais, salut. Salut. Ouais. Allez, hop. On nous empêche de parler, on nous spolie. Ouais, quand t'arriveras à répondre aux questions correctement, on verra. Ouais, moi, je trouve... Ok, en de bon entendeur, salut. Salut. Ouais, je trouve qu'il répond bien aux questions, c'est un débat après tout. Devers solitaire. Ouais. Ouais, non, moi je pense qu'effectivement il y a eu de la poésie au temps des hommes des cavernes. Je pense que d'ailleurs tu t'es pas mal inspiré du style de la poésie des hommes des cavernes. Il y a du Larsen là, j'aime pas trop. Moi non plus. Quand je fais mes speaks. Alors vas-y. Et voilà. Alors vas-y. Aussi, si tu veux des noms, moi j'en connais pas trop. Alors vas-y. Parce qu'il n'y a pas trop d'archives quoi, c'est non tout. Plus. Alors vas-y. J'aime pas trop ça. Vas-y. Alors vas-y. Qu'est-ce que t'as cassé? La fiesta, c'est pas sympa, la fiesta. Oh Gérard, c'est pas toi. Il tape sur fil d'art là. Arrête ou quoi là? Vas-y, fais péter le délai. Ne fous pas de la gueule, d'accord? Fais péter le délai. De vous la une boucle là, c'est bien. J'ai faim de tout ce que tu es, sans doute. Sympa, ne fous pas de la gueule, d'accord? Non, c'est... Je vous ai pas ignoré ça. Non, c'est bon, putain, regarde. Attends, il reste 2 minutes. Ah, il reste une 20. Bernard, allez, on se dépêche, ça se passe bien. Tiens le coup, Bernard. Tu m'appelles Bernard. Allez, Bernard, c'est pas mal. Vas-y, Bernard. Et ça te colle à la peau, ce prêt. Vas-y, Richard, on y va, là. Allez, Nanar. Allez, Richard. Vas-y, accélère. Allez, Marcel. Bon, Max, allez, passe la seconde. Tu prends la place. Hop. Ouais. Hop, Nana, tu prends la place pour finir. Allez, ouais. Allez, hop. Au revoir, Nana, tu. Allez, dégage, GG. Paris est dans la place. Bon, allez. Soubaigne. Suresnes est dans la place. Soubaigne. Moi, GG, là aussi. Ça baigne. Non, alors mets-le au standard, alors. Mais Gérard, au standard. Calmez-vous un peu. Faites péter le délai, là. Alors vite, conclusion. Bon ben... Allez. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Vas-y, accélère. C'est un mec qui arrête pas, qui est à l'antenne, faut me l'enlever, le mec qui arrête pas d'imiter Gérard. Bon ben... Arrêtez. Bon ben... C'était des tyrannosaures dans la préhistoire. Bon ben non, hein. C'est lequel qui fait ça? Oh là là. Oh là là. Je vous préviens, Gérard fait la gueule. Ah, c'est pas pour l'instant, il n'y a pas de conclusion de débat. Ah, il a coupé tout le monde, t'as bien fait. Ah, c'est bien fait. Non, c'est faux, on est toujours là. Allez, c'est bon, allez. Donc, alors, on va pas poser la question, on va faire la conclusion, puis c'est tout. Alors, la question là. Elle était bien, elle était vachement bien ta question. Elle était non, mais moi je travaille pas avec des caves. S'il y avait des potes acro-mignons. Allez, remets à l'antenne là. Alors, conclusion. Donc, conclusion du débat, on va demander à Vélociraptor. Oui, bien, en conclusion, je citerai ce mot de Joe Star, préhistorique ta mère. Comment? Préhistorique ta mère. Denver solitaire. Ouais, Denver solitaire. Okay. Écoute, je pense que c'est bien que t'aies parlé des dinosaures et de l'homme de je sais pas quoi, l'agro-mignon là. Je pense que aussi tu fais bien d'avoir arrêté la chasse au mammouth et c'est l'élevage, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Si t'as une portée, tu peux me garder un petit, y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui parle derrière. T'as du monde derrière toi? Non, y a personne. Enfin, non, à peine. Y a mon chat, mais bon. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah moi je vais te dire un truc, Gérard. Ah, Cyrano d'Azur. Quand tu te fais des débats, Gérard. Tu ne parles jamais des homos. Hein, pourquoi tu parles pas là des dinosaures homo? Ou la préhistoire homo? Ouais. Ou de Pâques homo? Ouais, allô, c'est Marco. Ben moi j'aime plus Olivier, c'est toi Gérard que je veux maintenant. Cyrano. Je veux tout de suite. Oui, Gérard. Cyrano, conclusion. Oui, je pense que c'était un débat très intéressant. Et je pense que tu as dit plusieurs fois que l'homme descendait du singe, moi je pense... Ouais ben, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Je pense que t'aurais mieux fait de rester en haut de l'arbre. Bon ben... Sinon, je dis un gros bisou à tous mes potes. Ouais ben, c'est bien parce qu'on t'a à peine reconnu, toi. Comme par hasard, on avait bien dit qu'on voulait pas les habituels. Je me suis taillé les pattes, hein, bébé. Ah ouais. Ah, c'est cool. Un Cyrano d'Azur. Une soucoupe volante, je me suis taillé les pattes. Cyrano d'Azur. Non. Cyrano d'Azur. J'ai répondu. J'aime bien. Cyrano d'Azur, t'es pas inhabituel. Ah non, c'est pas ça. Non, Laurette. Oh, Laurette. Et Laurent qui se dédouane. En live, des pourquoi moi, tu me reconnais jamais, moi c'est pas... Non, mais de manière, n'ayez crainte, les habituels, on en a ras le bol. Tenez, il a une grosse bite, hein, quand même. Ouais. Mais moi, tu me reconnais jamais, quand même. Bah, on s'en... Ouais, ben, David, donne pas, ça suffit. Mais non, putain, arrête. Ouais, c'est ça. J'ai pris de pas m'insulter, je suis pas une merde. C'est Tony, on l'a reconnu, c'est Tony. Mais arrête-toi, Arnaud. Mais bien content, toi. Mais dis ton nom, Tony. Bah, alors, moi, je serais... Gérard, j'ai pas fait ma conclusion, quand même. Rigo, si tu veux pas que je crie, retire 5 minutes ton casque, parce que là, je vais m'énerver. J'ai pas fait ma conclusion. Bon, Gérard, c'est quand tu veux la conclusion. Il y a déjà 3h03 et il y a Mouinex qui attend. C'est vrai, il y a plein de conclusions. Ouais, il y a plein de conclusions sur l'IRC en plus. Mais personne. Oh, c'est bon là. Tu me rappelles. Hop. Tu vas retirer le boîtier du standard. Tu vas. Arrête. Non, c'est le standard abruti. Gérard! Tu me les coupes là! Ah, tu les coupes, tu les vires! Avant qu'on termine, on peut. Ah, ta gueule! Pour éviter de crier quand même, Gérard, s'il te plaît. Et combien de personnes? On est 9932. Oh là là, c'est la merde! Non, mais y a un truc qui faut bien se dire. De quoi? Et c'est quoi? Allez! J'ai rien suivi. Fildar, ça commence à bien faire là, ce coup-là. De quoi? Là, ça commence à bien faire. La semaine prochaine, t'es plus dans l'équipe. Wow. T'es viré jeudi, c'est comme un clean, tu restes. Et moi, par contre, ouais. Donc, toi, tu prends ton. Déjà, tu me dis au revoir aux auditeurs parce que. Au revoir, les auditeurs, et je suis désolé pour F qui. Ouais, tu vas pas me casser les couilles longtemps. Donc, combien que tu m'as dit pour finir? 9932. Pas mal. 9932. Donc, j'applaudis, comment tu j'appuie à applaudir? Donc, Gérard, j'ai quelques conclusions de l'IRC, je les donne avant la tienne. Ouais, vas-y. Donc, y a un certain Fesse de Babouin, je sais pas si c'est le vrai, il dit que les hommes préhistériques, ça devrait, on devrait les obliger à aller consulter leur psychiatre plutôt que de leur faire animer des débats de merde. Oh là là! Oh là là! Voilà, moi, je vais te dire une chose que lui, on va demander à Tony de Fun Radio. Non. Bah oui, non mais t'as raison, Tony de Fun. Ouais, on va lui demander de... On va lui demander de... Non mais c'est peut-être pas le vrai, hein, tu sais, c'est pas... Oh non mais on va... Lui, hein. C'est comme il y en a plein qui s'appellent Sandy la grosse pute, etc. Mais c'est sûr que c'est pas Sandy, quoi. Ah, parce que Sandy, c'est comme une grosse pute. C'est vrai, ouais, mais Sandy, elle vous emmerde. Voilà. Sandy, elle t'emmerde. Donc, conclusion, ça a été de la merde encore, comme d'habitude. Non, c'était pas de la merde. Non. Mais Turpentine a dit que ton débat quand même... Non, attends, toi... Donc, je disais que Turpentine, elle a encore trouvé que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Donc, conclusion du débat, c'était un peu de la merde, mais c'est pas grave. On va essayer de faire la semaine prochaine. Je vais essayer de voir qui on va pouvoir avoir dans l'équipe parce que ça commence à bien faire. C'est vrai. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire le standard, donc vous envoyez un CV. Moi, je viens, Gérard. Ta gueule, toi ! Tu t'écrases, la poufiasse. Oh, big up. Ok. D'accord ? T'es même pas capable de poler Max la semaine, alors tu vas pas me faire chier le jeudi. Et nous la semaine. Ni le dimanche. Ouais. Ok. Alors dimanche, t'es pas là. Donc c'est même plus la peine de venir le jeudi pour faire mes débats. Parce que je veux pas de toi. Donc, Sirigo, tu connais du monde qui pourra venir faire le standard. Ouais, je peux choisir sur le 9-4. Ouais, 9-4. Ouais. Des photos sur internet. Ouais, voilà. Ouais. Envoyez vos photos sur internet, vos CV sur internet. Que des nanas, hein, genre. Ouais. Non. Si, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'avec Sandy, ça collait plus trop, donc tu voulais peut-être... Oh, ça va, toi. Donc, est-ce que t'as été lui dire que hier à Sandy ouais. Tu peux me l'expliquer ? Oh là là ! Hein ? Il y en a un qui l'embrasse sur la bouche, n'est-ce pas, toi ? Non, c'est chaud, ça. Moi, j'étais sur les regarde là, le chef. Ça regarde personne. Hein, le chef ? Ah, mais bisous sur le sein. Ouais, bon, le mieux c'est de voler dans un sac à main. Bon, allez hop. Ouais, le mieux c'est de voler dans un sac à main. Gérard, la conclusion. Ouais, tu fermes ta gueule, toi. D'accord. Et toi, c'est pareil. Donc, conclusion, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, c'est les sosies avec Jean-Luc Delarue et... Non, Gazon. Et Flor... Ouais, c'est pas les vrais, c'est leur sosie. Non, leur sosie. C'est Jean-Luc. Et je voudrais bien essayer de voir si un jour, on pouvait avoir le sosie de... Marcel Amont ? Non. Tu vas dans les baignoires et puis tu te fais pécho. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gérard ? Parce que je comprends vraiment pas. Non, je voudrais bien qu'on aille de sosie de... Sardou. Non, pas de Sardou, de machin, là, ton voyant, là. Non. Jean de Nevers ? Ouais, de Jean de Nevers. Je le sais qu'il nous écoute à l'heure actuelle. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour les... Non, mais on se retrouve la semaine prochaine pour les débats sur les sosiers, le deuxième qui vont porter sur... Vous avez dit, il y avait un truc qui était pas mal que tu ne pas la dernière fois. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Non mais Gérard, dis pas bonsoir, on s'en va. Gérard, t'as pas fini, c'est sur fini, Gérard. Là. C'est fini, pourquoi tu... Gérard, ça commence à bien faire. Là, tu commences à être lourd. C'est toutes les semaines que tu me fais de la merde. Ça commence à être lourd. On va faire un débat sur les calendriers ? Je crois qu'on avait prévu quelque chose d'autre. Un débat sur les débats ? Non, on avait... Bon, je vais bien voir. Ce que je viens de le dire, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, les sosies ? On fait les sosies... Et les ressemblances sur les chiens abandonnés ? Toi, mon pote ? Oh, mais... Allez, vas-y, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait comme ça ? Bon, on fait quoi alors ? Non, tiens, rien que pour faire chier les auditeurs, je vais faire un débat sur les camions. Ah non. Non. C'est bon, je suis à chier. C'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord. Ah mais Gérard, on en a fait plein sur les routiers déjà, on va pas faire les camions. Non, on va faire un débat sur les supermarchés. On a déjà fait ça, non ? Bah oui, 4 fois. Non mais attends, de toute façon, dans les supermarchés, ouais. Le mieux c'est de voler dans un sac à main. C'est clair. Non mais Gérard, remets ton casque. Non. Qu'est-ce que tu penses des centres commerciaux ? Ah, c'est bien. Comme ça. Ouais, mais en même temps, tu fais tous les magasins. Non, mais toi, comme t'es malade, tu restes chez toi. D'accord. Non mais Gérard, c'est la dernière fois que je te le dis. Mais la semaine prochaine, il y a pas de sosie. Non, il n'y a pas de la semaine prochaine. Ce sera mon sosie. Non. Tu vois, ton sosie, tu peux te faire ce que tu as avec. Sandy, maintenant, elle te déteste. Ah ouais? Maintenant, tu vois, Sandy, elle est jalouse à cause de toi. Donc, voilà. Bon, arrête, s'il te plaît, toi. Toi, tu arrêtes. Parce que tout à l'heure, je vais te balancer dans ta gueule. Donc. Attends, Sandy, elle est jalouse parce qu'elle croit que tu veux sortir avec moi. Ouais. Alors maintenant, tu te démerdes. Question des photos des seins. Mais ouais, je veux sortir avec toi, Gérard. Non, mais moi, je veux pas de toi, d'accord? Moi, je veux pas d'une conne. Pourtant, c'est vrai. Dans le couloir. Moi, je préfère Sandy. Ah bon? Bah, tu m'as pas dit ça tout à l'heure. Oh, ta gueule, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Dis-le. T'as vu, maintenant, à l'antenne, tu changes d'avis tout à l'heure. Ah, quoi, tu m'as chopé dans les toilettes. Et tu m'as dit Fildor, t'étais là? Non, fais-lui pas des clins d'œil, d'accord? Ah, mais je fais pas de clins d'œil. On en reparlera. Occupe-toi de ta santé, occupe-toi de toi, quand tu t'écrases la poussière. Les couilles. Ok? Dimanche, t'es pas là, donc si t'es pas là dimanche, t'es pas là lundi. Si t'es là jeudi, moi, je veux pas de toi dans les studios. Non, mais tu es quand même amoureuse de moi. Non. Si. Moi, je suis pas amoureuse de toi. T'es pas amoureuse de moi? T'es pas amoureuse, Gérard. Moi, je veux pas d'elle. Moi, c'est Sandy, je garde Sandy. Ah ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre, je suis amoureuse de toi. Avec Sandy, maintenant, on s'engueule. Ah on s'engueule tous les temps. Mais vous faites des bébés. À cause de moi? Oui. Ah, les fesses. Mais attends. À cause de toi. Tu la ken quand même. Alors maintenant, tu te démerdes. Ok. Tu la ken du Guéclin ou pas? Il y a la sodomie quand même. Gérard, oh! Je pensais à un débat, tu sais, sur les marchés, tu sais, genre comme les puces ou les marchés, quand on vend des tomates, des bananes. On fait ce que tu m'as dit. Je suis dit n'importe quoi. Les supermarchés, les marchés, c'est les marchés. Ouais, les marchés en général. Ouais, les marchés dans la rue. Mais non, les sosies. On va pas encore reporter les sosies. Mais non, on fait les sosies et les sosies et les supermarchés. Et dans le deuxième débat, on fait les surfaces avec les marchés dans la rue pour faire la comparaison. Comment on a fait la campagne, c'était bien. Le 1er avril avec. Avec Pâques. Avec Pâques, t'as mélangé les deux. Bah voilà. Les supermarchés et les marchés. Pour faire la différence qu'il y a entre les centres commerciaux et les vrais produits frais. Ouais. Les produits dégueulasses, genre chipon, pichon. Ça, c'est bien ça. Ok. Tiens, Gérard, t'annonces le disque. Voilà, et donc vous allez retrouver ça pour la nuit sans pub. Attends, je vais mettre la liste de la loi. On va faire quand même plaisir à Bibi. Ah oui. Ouais, ah si, on va lui mettre c'est la fête. Et qui est Apolline? Non, pas pour elle. Pourquoi? Le titre, c'est ça? Ouais, c'est ça le titre. C'est tout naze, hein, Gérard. Ben non, mais on l'a pas, là, faites la fête. Parce qu'il était dans la machine. Il était dans la machine et en fait, on l'a pu parce que la machine, elle est tombée en panne. Donc on peut pas, donc on le mettra la semaine prochaine, Gérard, d'accord? C'est d'accord? Bon, comme avec... Tu parles devant le micro, s'il te plaît. Madoudou sans le hareng, avec Bouffoui... Attends, il y a la loco, c'est vrai. Il y a la loco demain soir. Ouais, donc tu pourrais peut-être dire un truc en attendant, Gérard. Rapidement. Petite conclusion sur comment s'est passé le débat. Ouais. Ouais, ben, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Je suis pas sûr, mais bon. Je suis pas sûr, franchement, tu le dis souvent, mais... Donc, conclusion du débat, c'était pourri, comme d'hab. Non, tu peux pas dire ça, Gérard. Ça fait 3 ans que tu fais des débats, tu sais quand même gérer, maintenant. Non, mais attends... Faut voir comment que vous travaillez, parce que vous êtes pas capable de me gérer quelque chose comme il faut. Quand je vous demande quelque chose, vous le faites pas. Donc, maintenant... Pratiquement, on le fait pratiquement, à chaque fois. Donc, cette semaine... Il y a Max au platine à la loco. Alors il y a Max. Attends, excuse-moi 2 secondes avant, je vais faire la conclusion du Minitel qu'on avait oublié. C'est Skunkman qui dit conclusion, Gérard fait tourner la Skyroulette pour avoir des chances de gagner des places en première classe pour la préhistoire, pour lui et sa bestiole. Ma bestiole, elle l'emmerde. Donc ce soir. Dès 23h, vous allez retrouver Max à la loco à Paris dans le 18e. Demain soir. Donc ce soir, parce qu'il est 3h15 du matin. Donc ce soir au platine, Max avec Gigi Santi, Gigi Doudou et Marlène et Gérald au percu. Et je crois que samedi, t'as une soirée à... C'est pas à Bombay. Oh là là, l'Amazon à Albi. T'as une soirée à... Jamaïca. avec Chamarica, Mais il y a d'autres DJ, je crois. Il va peut-être. Ouais. Bon, attends, ton micro quand je parle, s'il te plaît, tu me fous la paix, ok? Il y a aussi un DJ, je sais plus, une nana, une grosse. Oh, toi. Une grosse qui est dans le sombre? Ouais. Non, je connais pas. Je sais pas si elle commence. Il faut qu'il rajoute quelque chose, là? Bah oui, faut que j'annonce la soirée de samedi. Bah, c'est ce qu'on attend. Eh, c'est con, tu pourras pas aller voir PSG Montpellier? Non, merde. Ah, sinon, il y a beaucoup d'éditeurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas entendu ton numéro hier. Si tu pouvais le redire. Non. Ton numéro de portable. Non. Il est hors de question que je balance mon numéro de portable à l'antenne. Alors, donc, avec Gigi, Christian et Sophie, Solène, la tigresse, au quoi? Au djembé. Au djembé. Et donc, ça se trouve où? À Albi. À l'Amazon. Donc, à l'Amazon, avec, Jamarica, et puis bien sûr, votre chef. Ouais, plus Christian et Sophie, Solène et la tigresse et Héro Gerbet. Voilà, bah, Gerbet, ouais, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Mmh. Et puis, je vous retrouve dès jeudi. Dès dimanche soir, 22h. Dès dimanche soir, 22h pour remplacer la poufiasse de service. Voilà, et tu te calmes, hein, gamin? Quoi, je me calme si je veux. C'est mes débats. Hein. C'est mes débats, donc je dis ce que je veux. Voilà. Comme toi, t'es tout le temps malade, alors donc je dis ce que je veux. Donc maintenant, on va s'écouter la Massure en. Non, Madoudou, au-dessus. Madoudou, sans le haron, avec bouffe-lui les fesses, y a pas d'arrêt. Y a pas d'arrêt et on se retrouve dès dimanche soir 22h. Bonsoir à tous.